crypto à compter de 17,95 $. Consultez notre site restauranttyrolienne.ca pour découvrir notre carte et autres offres à prix modéré. Depuis 42 ans, la Tyrolienne, une assurance de qualité. Réservée au 651-6905. Le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. Laisse passer l'orage, derrière le soleil gris, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Et bienvenue au Grain de sable de ce samedi. Ce samedi, oui, une belle température d'octobre, c'est le dernier jour. Peut-être êtes-vous costumé, on s'en fout. Nous, on veut vous mettre un grain de sable dans l'engrenage. On va parler de constituante aujourd'hui, ceux qui savent pas ce que c'est. Hein, c'est pas une constitution comme on en a toujours entendu parler. N'est-ce pas, Étienne Blondeau, notre chroniqueur de cette semaine? Oui, c'est ça. La constituante, c'est un travail déjà plus intéressant vu que c'est le peuple qui participe à l'écriture de la constitution. Je vais aussi mentionner qu'en seconde demi-heure, aujourd'hui, pour l'occasion de l'Halloween, j'ai pensé faire un thème un peu sur les histoires à faire peur, parce que je vais parler plus tard en émission de la Russie et de la Chine, qui sont souvent présentées comme des épouvantails, j'ai l'impression, dans nos grands médias. Alors, j'avais le goût de remettre les pendules à l'heure. Ce sera en seconde demi-heure. Mais Alain Bergeron, êtes-vous avec nous? On entend, il y a du vent. Êtes-vous sur un bateau? Oui, c'est ça. On a le vent dans les voiles à l'Assemblée constituante citoyenne du Québec. Et vous m'entendez bien? Oui. Êtes-vous toujours là? Oui, je suis toujours là. Ah, il y a un petit problème technique. Oui, c'est ça. Je vous reviens dans 2 secondes. Oui, on vous rappelle, de toute façon, on continue notre introduction avec Étienne Blondeau. Il sera avec nous après notre chanson de Richard Séguin. Oui, alors c'est ça. Je vais surtout parler plus tard en émission de Vladimir Poutine et des plans économiques de la Chine qui veulent finalement démonter un peu le monopole du dollar. Le dollar est partout, est imposé à tous les pays qui veulent du pétrole, qui veulent commercer, qui veulent faire des affaires, finalement. Alors, la Russie et la Chine, c'est mon impression, ont bien compris que ce dollar-là est imposé comme enfoncé dans la gorge à tous les pays et tous les continents. Ils essaient de monter des institutions qui passeraient outre le dollar américain et qui pourraient se passer des dictats de Washington. C'est des développements récents, c'est très intéressant. Alors, je crois que ça permet même de développer un espace de liberté. Parce qu'il y a beaucoup de petits pays qui ont de la difficulté ces temps-ci. On a parlé de la Grèce il y a un mois environ. On parle de temps en temps cette émission-ci de l'Amérique latine. Plein de pays qui ont des expériences démocratiques intéressantes. La Bolivie, le Venezuela, l'Équateur. Et s'il existe un système économique qui leur permettrait de se passer de Washington, eh bien, ça permettrait de faire affaire avec la boutique d'en face. Finalement. Oui, puis de s'éloigner de ces fameux gouvernements de généraux oui, c'est ça, qu'on a vécu dans l'après-guerre, quoi. Oui, qui n'a pas été très drôle. Alors vraiment, au niveau géostratégique, les prochaines années vont s'annoncer intéressantes, vont permettre... Disons, on peut pas parler de confrontation ouverte entre les États-Unis et ceux qui sont, faut le dire, leurs rivaux, là, Pékin et Moscou, et le reste des BRICS, l'acronyme consacré pour les décrire, là, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui ne sont pas comme une fonction, une faction parfaitement unie, mais qui sont des gens qui sont en dialogue et qui essaient de faire avancer les choses, de défendre leur camp. Oui, et donc, après cette pause musicale, nous reparlerons avec Alain Bergeron, qui est en fait un des organisateurs de cette, qu'on pourrait dire, l'Assemblée constituante citoyenne du Québec, qui se tient sa deuxième rencontre nationale les 31 octobre, donc aujourd'hui, et le 1er novembre prochain, au Campus Lévis, pour ceux qui connaissent, là, c'est au 2595 boulevard Alphonse Desjardins à Lévis, et donc plusieurs dizaines de personnes sont réunies pour essayer de convaincre nos gouvernements à venir, évidemment, à prendre compte de la constituante. C'est donc à compter de 9h, depuis 9h ce matin, que des gens se réunissent sur le contrôle, sur le thème, en fait, construire la démocratie. C'est deux journées qui sont consacrées à des ateliers sur les intentions qui animent ce groupe, cette assemblée d'assemblée constituante, et ils cherchent à adopter un texte fondateur, un genre de manifeste qui impliquerait évidemment leur mission et les valeurs qu'ils veulent promouvoir. Et tout ça dans le but d'établir une structure organisationnelle permanente pour lancer cette deuxième rencontre. Dès 10h, dès ce matin, il y avait Alain Deneau, docteur en philosophie, qu'on connaît bien ici à Grain de Sable. Hein. Il n'est pas ce fiscaliste, mais moi, je confierais bien mes impôts. Et enseignant à l'Université de Montréal, et on pourra peut-être échanger avec lui. D'ailleurs, Alain Bergeron nous avait promis une surprise, et je soupçonne que ce soit Alain Deneau. Donc, restez avec nous. On parle de constituante aujourd'hui, et vous verrez tous les grains de sable qu'il y a dans l'engrenage actuel de notre système démocratique, qui aurait peut-être avoir comme solution, non seulement un changement du mode de scrutin, comme on parlait la semaine dernière, mais d'impliquer le peuple, pour le peuple, par le peuple. Ouais. Compagnons des Amériques, Québec, ma terre amère, ma terre amande, ma patrie d'haleine dans la touffe des vents, j'ai de toi la difficile et poignante présence. Compagnon des Amériques, avec une large blessure d'espace au front, dans une vivante agonie, de roseau au visage. Je parle avec les mots noueux de nos endurances. Nous avons soif de toutes les eaux du monde. Nous avons faim de toutes les terres du monde, dans la liberté criée de débris d'embâcle. De position s'allume vers le large, l'aïeul prière à nos doigts défaillantes, la pauvreté luisant comme des fers à nos chevilles. Mais cargue-moi en toi, pays, cargue-moi, et marche au rond le cœur de tes écorces tendres. Marche à l'arrête de tes dures plaies d'érosion, marche à tes pas réveillés des sommeils d'ornières. Chante plus haut l'amour en moi, chante. Je me ferai passion de ta face. Je me ferai porteur de ton espérance, veilleur, guetteur, coureur à l'heure de ton avènement. Amérique, un homme de ton réquisitoire, un homme de ta patience raboteuse et varlopeuse, un homme de ta commisération infinie. Compagnon des Amériques, l'homme artériel de tes gigues, dans le poitrail effervescent de tes poudreries, dans la grande artillerie de tes couleurs d'automne. Dans tes hanches de mon anciennes figures de tes villes, devant toutes les litanies de chahurant qui eut dans la lune. Mais donne la main à toutes les rencontres. Toi qui apparais par tous les chemins défoncés de ton histoire, aux hommes debout dans l'horizon de la justice qui te salue, et salue à toi, territoire de ma poésie. Salue les hommes et les femmes, des pères et mères de l'aventure, des pères et mères de l'aventure. Salue. Devant toutes les compromissions en peau de visant, devant les héros de la bonne conscience, les émancipés malingres, les insectes de belle manière, devant tous les commandeurs de ton exploitation, de ta chair à palais, de ta sueur à gage, de ta chair à palais, de ta sueur à gage. Merci Richard Séguin, merci. Vous avez peut-être reconnu de l'album 12 hommes rapportés, volume 2, Richard Séguin qui nous chantait Compagnons des Amériques. Et je vais faire une confidence là, avant d'aller avec Alain Deneau, Alain Bergeron et Étienne Blondeau qui est en studio avec nous, et Alain, les Alain par téléphone. J'ai eu un échange avec Richard Séguin cette semaine parce que je sais que c'est un amateur d'Henri David Thoreau. Et il m'a dit qu'il est en train de travailler à 4 nouvelles chansons sur Henri David Thoreau. Alors, ceux qui connaissent un peu le personnage, qui est ce qu'on pourrait dire le premier écologiste simplicitaire, un de ces grands intellectuels, un de ces grands penseurs des Lumières américaines, Compagnons des Amériques. Salut Henri David Thoreau. Alors, Richard Séguin a au moins 4 chansons sur 4 thèmes différents, dont un, est-ce que Thoreau serait tombé en amour? On n'en voit pas un brin dans son journal, mais en tout cas, les questions se posent. Ceux qui ont des intérêts sur Henri David Thoreau, qui voudraient que ça se transforme en chanson chantée par Richard Séguin, mais communiquez avec nous, on a peut-être quelque chose à vous faire tirer avant la fin de l'émission. Merci d'être avec nous, Alain Bergeron et Alain Deneau. Vous êtes en pleine assemblée constituante, si on veut rêver, ça pourrait ressembler à ça, depuis le 30 juin 2014. Des centaines de voix, comme les deux Alains, s'élèvent de partout au Québec et font entendre leur volonté commune d'instaurer une véritable démocratie au Québec. Pour ce faire, nous, constituants, dit-il, nous donnons comme mission de promouvoir, de préparer, de provoquer la convocation d'une assemblée constituante non partisane, évidemment, totalement libre dans ses délibérations. Mais Alain Bergeron, on vous a souvent vu dans les activités politiques. Moi, je vous ai vu dans les congrès du Bloc québécois, du Parti québécois, de Québec solidaire, Option nationale. Vous faites le tour des partisans, mais là, c'est non partisan votre activité aujourd'hui? Oui, tout à fait. Merci d'abord de nous recevoir. Effectivement, et on m'a même vu à un moment donné graviter alentour de l'Action démocratique. Et à travers tout ce périple que la vie m'a mis à que j'ai réfléchi quant à notre avenir collectif, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un déficit démocratique au Québec. Et ce qu'on fait en ce moment à l'UQAR, à Lévis, c'est qu'on est en train de mettre en place la structure organisationnelle pour instaurer une véritable démocratie sur le Québec. On revient un peu, curieusement, j'ai sous les yeux le rapport des États généraux qui avait été piloté par M. Bélan en 2003. Et le premier article que j'ai sous les yeux, on parle de modifier les règles relatives à l'exercice de la démocratie au Québec de façon à ce que les Québécoises et les Québécois qu'ils désirent puissent se rapprocher du pouvoir législatif et qu'ils puissent mieux collectivement y exercer un contrôle. Alors, c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est de mobiliser le maximum de citoyens afin que soient convoqués une assemblée constituante afin de nous permettre, nous, le peuple, d'exercer notre pouvoir par un processus constituant. Donc, un manifeste qui pourrait sortir de votre assemblée? Oui, ben en fait, il y a déjà un manifeste en ligne là, sur notre site Internet, constituantecitoyenne.québec, Québec écrit au long. Et les gens peuvent aller le lire et s'ils y adhèrent, ils peuvent se joindre à notre démarche afin de mettre en place la structure nécessaire pour que soit convoquée une assemblée constituante totalement libre dans ses délibérations. Donc, Alain Deneau, est-ce vraiment possible qu'un État soit constitué par et pour le peuple favorisant l'épanouissement collectif? Bon, on peut en tous les cas l'envisager. Ce qu'on sait, c'est qu'historiquement, les avancées se sont toujours faites par rapport à des objectifs ambitieux vers lesquels on tend. L'idée, je pense, je parlerai strictement en mon nom, là, j'étais un invité aujourd'hui, l'idée est de conceptuellement se donner un modèle de ce que peut être la démocratie, ce qu'elle doit être si on veut rester fidèle à son principe, à l'encontre de formes d'instituts aujourd'hui qu'on désigne précipitamment comme étant démocratiques, alors qu'elles sont le plus souvent oligarchiques. Ce qu'on demande finalement à des citoyens qu'on réduit au rôle d'électeurs, c'est de reconnaître des institutions de pouvoir, une élite, une catégorie sociale qui est apte à gouverner, dans un cadre mondial qui lui-même confère de moins en moins d'importance à cette structure traditionnelle-là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a, bon, il y a beaucoup de... Il y a quand même il y a trois questions là, qui sont en jeu. C'est quel est le modèle vers lequel on tend? Quelle est la critique qu'on fait des institutions actuelles qui sont oligarchiques? Et troisièmement, en quoi le pouvoir que dit avoir l'institution traditionnelle lui échappe en réalité, notamment dans les paradis fiscaux et dans les mains des dirigeants de grandes entités privées. Donc, c'est la problématique, elle est là. Et ce qui est encourageant, c'est de voir qu'il y a des gens qui sont capables de mettre au goût du jour le mot démocratie d'une manière radicale. La démocratie suppose pas seulement qu'on vote aux 4 ans ou que de temps en temps on répond à un sondage, mais que les institutions soient le reflet d'une volonté populaire et cela s'organise. Il y a très peu de gens qui sont démocrates aujourd'hui. Très souvent, quand on parle du peuple, quand on parle du commun, du démos, on va en parler avec énormément de condescendance dans les sphères du pouvoir. On va voir le commun comme étant incompétent, incapable de raison. On va le voir comme étant enfantin. On va le voir comme étant capricieux. Il y aurait, à contrario, une élite qui serait, elle, bourgeoise, éduquée, raisonnable, rationnelle, sérieuse. Alors que tout ça est un mythe. La démocratie, si on est démocrate, là, la démocratie, si on est démocrate, le modèle pour lequel on milite suppose l'égalité des intelligences. Non pas que tout le monde est intelligent de la même manière, c'est l'égalité des compétences, non pas au sens où tout le monde serait compétent de la même manière, mais au sens où les questions politiques, l'enjeu politique qui concerne les débats communs, échappe à toute compétence spécifique. Lorsqu'on est démocrate, on conçoit que en politique, les questions qui se posent ne correspondent à aucune compétence spécifique, à aucune compétence particulière. Il n'y a personne qui est habileté à juger plus qu'un autre la pertinence d'envoyer des soldats en Afghanistan ou de construire des hôpitaux accessibles au public ou d'enseigner l'histoire au secondaire 4. Bien sûr que pour faire ces choses, il faut des compétences. Donc, il faut être ingénieur pour construire un pont, il faut être stratège pour déployer une armée, il faut être expert en santé publique pour concevoir l'ouverture d'un hôpital dans une cité. Mais il arrive un moment où la délibération échappe à l'expertise en ce qui concerne le bien fondé des projets. Et le bien fondé des projets qui implique tout le monde est de nature commune. Effectivement, mais est-ce que ailleurs dans le monde, il y a de bons exemples où se sont rapprochés le plus possible du modèle idéal de constituante? Je sais qu'on a déjà parler de la Bolivie, qui ont une sorte de nouvelle constitution plurinationale où les 27 langues sont reconnues, peu importe. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, comme à Tunis, en Tunisie, il n'y a pas les prix Nobel de la paix qui ont été, quatre hommes ont été nommés récipiendaires d'un prix Nobel pour la sorte de constitution qu'ils ont amené à leur pays, la Tunisie. Est-ce qu'il y a de vrais bons exemples à donner? De modèle idéal, je pense qu'on peut innover, on peut amener une nouvelle façon. On n'a pas besoin d'aller si loin. La Colombie-Britannique s'est dotée d'une constitution récemment, et je pense que de permettre à la population vous savez, c'est assez particulier qu'on parle de la réforme du mode de scrutin depuis près de 50 ans et que jamais il y ait eu une démarche dans ce sens-là auprès des citoyens. Alors, évidemment, il y a la Bolivie, mais je pourrais peut-être que M. Deneau est plus au courant que moi de constituantes qu'il y a eu un peu partout dans le monde. Il y en a eu, évidemment, en Islande, là, puis dans d'autres pays. Est-ce qu'Alain Deneau, vous avez regardé ça de votre côté? Est-ce que vous avez réfléchi sur le sujet? Non, mon travail porte davantage sur les principes qui existent en philosophie depuis Platon à Jacques Rancière, disons, en passant ici par quelqu'un comme Roméo Bouchard, et non, je me présenterai pas comme un constitutionnaliste, sachant que les constitutions multinationales, plurinationales qu'on voit apparaître, mais encourageantes dans les pays du Sud, on n'est pas encore au stade où elles sont appliquées. On les contourne. Les multinationales arrivent à les contourner, par exemple, même quand il s'agit des Premières Nations. Cependant, c'est très encourageant de voir qu'on est capable d'inscrire de telles notions dans l'espace public. Moi, ce qui m'intéresse là pour le moment, c'est de voir comment, la question, de voir que, au fond, dans le modèle actuel, les acteurs qui sont le plus souvent au pouvoir sont ceux qui sont aptes à le prendre, alors qu'on sait que ce ne sont pas nécessairement ceux qui veulent le pouvoir qui sont les mieux placés pour l'assumer. Et ce qui est intéressant quand on pense à une constituante, c'est qu'on pense aussi à qui sera à même de délibérer pour faire en sorte que des décisions soient prises qui fassent autorité dans une collectivité. Donc, penser la question commune. Étienne Chouard a tout à fait raison de dire, par exemple, qu'il n'est pas normal que ce soit des députés qui élaborent une constitution, parce que la constitution, elle est censée les encadrer, eux. Donc, ils sont jugés par oui. Parce qu'ils pensent à la façon dont ils vont se structurer. Et donc, c'est ce qui est en cause ici, il y a des modèles dans le monde, mais je pense qu'on est appelé à innover de toute façon parce qu'on balbutie là, sur ces questions. C'est de voir comment on peut penser à un ordre dans lequel le pouvoir est réparti autrement qu'en fonction de la capacité de certains à l'obtenir. Oui, puis par rapport à la démarche qu'on a entreprise depuis un an, c'est que une fois qu'on va avoir ensemble bien établi la structure organisée qui va nous permettre justement l'atteinte de nos objectifs, que ce soit convoqué justement une assemblée constituante, on va s'arrêter au cours des prochains mois à regarder de façon démocratique tout le processus, le mode de fonctionnement et définir ensemble certains critères. Parce que là, je vous partage une opinion personnelle. La constituante, elle n'est pas là, c'est pas une consultation, c'est vraiment une participation. Et la constituante, elle est là pour débattre, pour échanger, pour partager des points de vue, en venir à un consensus ou un consentement. Et par la suite, une fois qu'elle s'est entendue, elle, en fonction de critères qui auront été préétablis, la population doit entériner chacun des articles qui vont être définis par la constituante. Et la constituante peut faire appel à différents témoins experts, à des sages, à des philosophes comme M. Deneau qui nous a livré une conférence absolument géniale ce matin. Et ces gens-là seront là pour guider, pour bien informer. Vous savez, un des problèmes qui se pose en ce moment, c'est que si on s'arrête à bien comprendre le sens des mots, les mots sont utilisés parler de façon totalement inadéquate et juste l'exercice de bien, de faire en sorte que les gens comprennent bien le mot, parce qu'il n'y a pas de gouvernement représentatif en démocratie. La démocratie, ça doit être le pouvoir du peuple, exercé par le peuple, et on doit se donner des gens qui exercent notre pouvoir et que le peuple, quand il y a un litige, le peuple doit être que les gens, les mandataires qui sont choisis pour représenter les intérêts de la population, quand il y a un litige, le peuple doit être consulté, on doit refaire appel au peuple et lui demander qu'il se prononce sur des décisions. Mais Monsieur Bergeron, Monsieur Bergeron ou Alain, oui. En fait, faut le dire, non, des fois, pas de problème, on est des amis. Et merci d'avoir été avec nous. Mais ça peut représenter combien de personnes, ça, quand on dit là de sortir la construction d'une constituante, sortir les avocats, sortir les juristes pour être sûr d'avoir Monsieur, Madame, tout le monde alentour de la table. Ça représente combien de personnes et comment on les choisirait ces personnes-là? Ben, il y a toutes sortes de modèles envisageables. Une fois que nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de mobiliser le maximum de personnes pour qu'elles comprennent bien le sens d'une démarche constituante. Et une fois qu'on aura défini des critères d'éligibilité de façon démocratique, l'Assemblée constituante, je veux pas présumer, ce qui est important dans cette démarche-là, c'est de ne pas présumer de ce que les gens vont choisir. On ne parle pas ici du statut politique du Québec ou de l'indépendance de l'État ou le peuple décide de son avenir collectif. Alors, il pourrait être envisagé que la constituante soit formée, exemple, de 50, 60 personnes qui seraient représentatif un peu de la société en général, et ces gens-là débattraient, échangeraient et se choisiraient quelques témoins experts à travers le Québec. Il y a des gens qui sont capables, il y a des constitutionnalistes, il y a des professeurs, et ces gens-là guideraient et s'assureraient que le sens de la loi soit bien compris, et ces débats-là doivent être publics. Les gens doivent pouvoir entendre et se faire une idée et l'exercice, là, on n'est pas là pour diviser les gens à travers le Québec. Contrairement à ce qui se passe en ce moment en politique, les partis politiques créent des divisions, créent des malaises entre les gens, alors qu'il y a moyen de s'entendre sur des objectifs communs, sur les grandes lignes d'un projet de société qu'on se donnerait dans l'avenir. De là l'importance, on a bien compris, M. Bergeron, de faire une activité non partisane aujourd'hui pour attirer le plus de monde. Donc, c'est encore possible de se rendre... au campus Lévis de l'UQAR. Ouais, c'est à l'UQAR. On est là toute la fin de semaine. C'est ouvert à tout le monde? Oui, absolument. Les gens peuvent venir nous rejoindre. On est dans un processus organisationnel, mais dès cet après-midi, là, va y avoir une présentation globale encore une fois. Et on invite les gens à aller visiter notre site Internet, là, encore une fois, constituante-citoyenne.québec. Oui. De pouvoir voir aussi la vidéo d'Étienne Chouard. Moi, ça c'est un peu cette petite vidéo là, de quelques minutes là, qui m'a convaincu que c'est important. Mais Alain Deneau, vous savez, on peut pas parler à Alain Deneau sans parler de justice fiscale ou de paradis fiscaux. Là, c'est selon quel bord on le prend. Vous savez qu'Attaque Québec, pour qui on fait l'émission, travaille beaucoup. Claude Vaillancourt a écrit, comme vous, certains livres, des vidéos ont été faites, des conférences. D'ailleurs, on vend toujours la revue Vie économique sur les paradis fiscaux que nous avons co-réalisée. Mais Alain Deneau, qu'est-ce qu'il faut dire à l'heure actuelle sur la justice fiscale? On a un nouveau gouvernement à Ottawa. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose dans leur programme, les libéraux fédéraux, qui va changer quelque chose? Là, on sait que d'ici 2019, ils vont peut-être changer le mode de scrutin. Je sais pas si on pourra parler de constituante à ce moment-là, mais si on parle purement de justice fiscale, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? Ben, je vous dirais que sur le gouvernement actuel, j'ai l'impression qu'il sera un peu plus en phase avec les délibérations internationales sur la question. On est à un stade où les États se rendent compte que le modèle qu'ils ont façonné eux-mêmes, qui permet à l'oligarchie de bénéficier d'échappatoires pour éviter de payer sa juste part d'impôts et de participer au financement de services publics dont les entreprises profitent, que cette tendance-là, que ce processus-là est allé trop loin et qu'il s'agit là maintenant d'y mettre un frein. Si on fait un lien avec la question du jour et les paradis fiscaux, on peut dire néanmoins que la souveraineté politique, c'est de cela qu'il est question avec la Constitution. La souveraineté politique, c'est-à-dire la souveraineté politique qui porte sur qui décide, hein, qui décide et comment, selon quelles modalités on décide d'enjeux collectifs. Et évidemment, quand on est 6 millions, 10 millions, 200 millions selon les pays, il est difficile de faire parler tout le monde, donc il faut trouver les modalités. Donc, aujourd'hui, la question de savoir qui est souverain, qui décide pour le commun, elle est en crise. Elle est en crise parce que les États traditionnels qui sont censés décider pour le commun voient un grand nombre de décisions leur échapper dans les paradis fiscaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises capables de délocaliser des actifs et des structures dans les paradis fiscaux pour prendre légalement des décisions qui portent sur des actions qui seraient des activités qui seraient illégales si les mêmes décisions étaient prises dans les États traditionnels. C'est-à-dire que dans le domaine de l'assurance, dans le domaine des contrats, dans le domaine de la finance, dans le domaine du transport maritime, dans le domaine du travail, des entreprises aujourd'hui créent dans les paradis fiscaux, dans les zones franches, dans des ports francs, des entités qui ne pourraient pas procéder au pays comme elles le font dans ces législations de complaisance. Donc, les pays ont beau voter des lois, voter des règlements, établir des normes, avoir des institutions de contrôle, il y a toute une part de l'activité mondiale, économique, juridique, commerciale qui leur échappe. Oui. Et donc, la souveraineté est en crise et l'heure est venue de... Bon, même si tout ça est embryonnaire et largement projectif, de fonder un certain nombre de pratiques, un certain nombre de discours, un certain nombre de concepts pour donner le change à ce phénomène-là, à savoir que la souveraineté aujourd'hui, elle est éclatée, elle est en grande partie le pouvoir de décider, hein, c'est ça la souveraineté, le pouvoir de décider en grande partie entre les mains de grands groupes qui ont échappé au contrôle de l'État. Et entre les mains de décideurs publics qui n'ont pas de légitimité, tandis que le peuple, lui, est limité à mettre une croix sur un bulletin de vote aux 4 ans, ce qui est un geste analphabète. Donc là, l'heure est venue de tenter, en établissant des rapports de force, de donner une portée à une voix populaire qui soit autre chose qu'un grognement. Donc, en deux mots, Alain Deneau, une constituante comme ce dont vous discutez aujourd'hui, ça peut changer notre situation, ça peut changer le monde, ça peut faire en sorte qu'on ait une meilleure justice sociale et fiscale? C'est un ensemble de références qu'on se donne pour penser comment pallier à un déficit démocratique inouï dans un pays comme le nôtre, qui est une ancienne colonie, qui n'a même pas d'institution républicaine et qui gère le territoire un peu comme une série de sites à exploiter pour des grandes entreprises. Donc, il y a effectivement à penser à un cadre qui serait une pierre à partir de laquelle donner le change historiquement à des entités qui ont pris le pouvoir sur un mode hautement critiquable et qui se trouve en quelque sorte repliés dans des paradis fiscaux qui rendent en plus leur activité hors de portée des institutions traditionnelles du droit. Merci beaucoup. Donc, c'est un vaste programme et oui. Moi, je suis très ravi d'en faire partie. Ben, Monsieur Alain Deneau, c'est certain, on veut vous réinviter, surtout que la semaine prochaine, il y a de fortes chances qu'on parle avec Yves-Marie Abraham David Murray, creuser jusqu'où l'extractivisme, à la limite la croissance. Je sais que le domaine des mines, ça vous connaît, et peut-être qu'on essaiera de vous reparler en d'autres situations. D'ailleurs, le comité se réunit la semaine prochaine pour établir les sujets qui va nous mettre l'appétit en onde jusqu'à la fin du mois de mai. On espère vous revoir avec nous. Et pour Alain Bergeron, ben merci beaucoup. Est-ce que ça continue demain? Est-ce que ça vaut la peine de se rendre au cégep, pas au cégep, mais à l'ICAR, Campus Lévis, demain aussi? Oui, tout à fait. Ça se poursuit demain à partir de 9h à l'ICAR. Toute la population est la bienvenue pour venir échanger avec nous et pour mieux comprendre tout ce processus-là qu'on est en train de mettre en place au Québec afin de permettre à la population d'exercer son pouvoir à travers un processus constituant. Ben déjà ici à CKRL, Radio Libre, on peut en parler. On espère être ceux qui vont mettre la graine qui va être semée et faire de nombreux fruits. Merci d'avoir été au Grain de Sable. Ben, merci de vous avoir invité. Au plaisir de vous rencontrer, M. Trussier. Merci. À plus. Salut. Ici Tania Beaumont.

Oui, oui. C'est un brassage d'idées qui est vraiment intéressant, tant sur la simplicité volontaire que la constituante. Moi, je pense que je vais poursuivre sur ce qui a été mentionné par Alain Deneau tout à l'heure. Il a mentionné la souveraineté. On a l'impression que la souveraineté est morcelée, qu'elle existe à peine pour ce qui est des États de nos jours. Alors, moi, mon sujet, c'était la Russie et la Chine aujourd'hui. La Russie et la Chine, finalement, si on définit ce qu'ils recherchent, leur stratégie ces temps-ci, c'est de retrouver leur souveraineté, d'être capable de faire leur propre choix, d'être capable d'implémenter leur propre choix sans être étouffés par un système international qui les endette en dollars américains et qui les empêcherait de faire quoi que ce soit. Un pays qui n'a pas de souveraineté, l'exemple le plus clair, c'est la Grèce. Tout le monde l'a vu. Ceux-là, est-ce qu'ils pouvaient décider de quoi que ce soit? Ils ont essayé. Ils ont tenté, mais c'est ça. Il faut un certain rapport de force. Alors, la Russie et la Chine, actuellement, essayent de se constituer ce rapport de force-là. Ce qu'ils recherchent, c'est un monde multipolaire où chaque région, chaque pays pourrait avoir son rapport de force, pourrait être présent à la table des négociations, pourrait dire son opinion sans avoir peur. D'ailleurs, c'est comme ça que les BRICS que je mentionnais tout à l'heure fonctionnent. C'est des pays qui se parlent les uns les autres en tant qu'égaux, qui prennent toujours des décisions qui ont un avantage pour tous, qui ont quelque chose qui bénéficie à tout le monde. C'est comme ça qu'ils dialoguent et qu'ils utilisent leur diplomatie. Et la Russie et la Chine ne sont pas expansionnistes, sont encore moins belliqueux. Ils essaient simplement ils sont sur la défensive, finalement. Ils se sentent, encerclés par les bases militaires américaines qui constellent un peu la planète. Surtout dans les pays musulmans, on voit ce que ça a pu donner, là, les effets pervers. Juste d'avoir un pas militaire américain dans un pays musulman, ça peut soulever la foule, l'ire de la foule. C'est une source de chaos absolument terrible. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, quand je parle d'un monde multipolaire, on le voit un peu actuellement avec cette réunion qui a lieu à Vienne entre tous les grands pays qui sont liés au problème syrien. Le problème syrien, je rappelle, c'est 4 ans de guerre civile non interrompue, avec rien qui change, personne qui prend des décisions osées. Et là, finalement, la Russie arrive et décide, d'abord, bon, tout le monde décide de faire les bombardements contre Al-Qaïda, la présence d'Al-Qaïda en Syrie, mais aussi de rassembler tout le monde autour d'une même table. C'est une première. On a l'Arabie Saoudite, on a les États-Unis, la Russie et l'Iran qui a été exclu par les États-Unis depuis longtemps. Alors ça, c'est un bel exemple d'un monde multipolaire où on règle les problèmes. On s'assoit, on se regarde face à face et on essaie de régler les problèmes. Et moi, j'ai bien hâte de voir le dénouement de ce qui se discute actuellement à Vienne. Mais bon, tu mentionnais aussi les problèmes au Moyen-Orient. Faut dire que la Russie et la Chine en Asie sont immédiatement à côté d'une région musulmane, l'Asie centrale, et eux voient ce qui se passe au Moyen-Orient et finalement veulent se prémunir de problèmes semblables dans leur arrière-cour. Alors, leur solution, c'est le développement, c'est l'investissement, c'est l'économie. Ils veulent investir massivement dans les pays musulmans tout proches d'Asie centrale pour qu'ils soient stables et que leur population vive mieux et finalement pour garantir la paix. Et c'est aussi simple que ça. La paix se fait par un travail de longue haleine d'investissement auprès des pays pauvres. Mais est-ce que de se construire de nouveaux systèmes de paiement internationaux, ça pourrait changer la donne? Parce qu'on sait que ces grands moyens de financement, ces grandes banques interaméricaines, africaines, sont souvent contrôlées par soit la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Et on sait qu'il y a toujours Oncle Sam derrière ça. Exactement. Est-ce que il y a pas des éléments de solution là à se construire de nouveaux systèmes de paiements internationaux? Exactement. C'est là que c'est très encourageant ce que ces deux pays-là font actuellement, la Chine et la Russie. D'abord, les BRICS se sont mis ensemble pour constituer un fonds d'aide qui finalement fait que les pays ne seront pas obligés de passer par le FMI. Parce que le FMI, lorsqu'on leur demande des fonds d'aide, d'abord, c'est des fonds d'urgence, c'est-à-dire qu'on est déjà à genoux qu'on n'a aucun rapport de force. Des fonds liés. Et ça vient avec l'imposition d'implémenter l'austérité. Alors, ils vous donnent de l'argent, mais vous devez obéir à des commandes, des dictats. Mais là, si des BRICS ont un fonds concurrent, chaque pays, même le plus petit, le plus misérable, peut dire « je vais aller voir à la boutique d'en face ». Ben oui. C'est aussi simple que ça. Ça change le rapport de force assez rapidement. Ils doivent comprendre ça, c'est le principe du capitalisme, ça. C'est ça, la compétition, paraît-il, ça a du bon. Alors, la Chine, elle, d'abord, implémente on appelle ça un peu la nouvelle route de la soie, implémente des nouveaux pipelines, des nouveaux chemins de fer et beaucoup d'investissements qui vont le relier à la région directement à l'ouest de la Chine, là, cette Asie centrale musulmane dont je parle, et l'Inde aussi. L'Inde de Modi, là, c'est leur leader actuel, essaie de développer le « made in India », de se développer une industrie, finalement de donner un pays développé. Et la Chine arrive en disant « nous, on a des épargnants chinois qui finalement ne savent pas où placer leur argent, alors joignons l'utile à l'agréable et on peut s'entendre ». Et c'est ce qui se passe. Il semble que l'Inde va se relever grâce aux investissements chinois, ce qui est très intéressant. Et pour ce qui est de la Banque mondiale, eh bien, la Chine a créé son alternative. C'est la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement entre pays asiatiques. Tous les pays se sont précipités pour en être membre. On a la France, l'Italie, l'Allemagne, la Corée du Sud, l'Australie, des pays très riches et développés qui se disent que quelque chose de sérieux se développe ici. C'est très sérieux et c'est un potentiel très intéressant. Tous les pays le reconnaissent, sauf évidemment le Japon et les États-Unis qui boudent et qui ont l'air parfaitement ridicule de bouder dans leur coin. Et de leur côté, pendant ce temps-là, la Russie ne sont pas en reste parce qu'il existe entre les banques internationales un système de paiement. Parce que des banques qui sont situées sur tous les continents doivent faire des paiements les unes aux autres. Ça se fait un système qui s'appelle SWIFT et qui se fait en dollars US. Et la Russie a fait l'objet de beaucoup de menaces du côté du Parlement européen, de l'Angleterre, des Pays-Baltes, qui disaient qu'il faudrait expulser la Russie de ce mode de paiement SWIFT-là. Ça les calmera. Alors la Russie a dit très bien, on va se bâtir une alternative. Ah bon? Et c'est déjà en train de se constituer. Et la Chine, elle ne veut pas être en reste, alors dit « moi aussi, je vais en créer un ». Alors voilà, il existe des alternatives pour ce qui est des transactions bancaires et des prêts. C'est pour ça que ça devient intéressant pour les pays. Il y a maintenant, c'est en élaboration, il faut le dire, il existe un espace de liberté qu'on n'a pas vu depuis assez longtemps, c'est ça qui est intéressant. Et pour ce qui est, je l'ai dit un peu plus tôt dans l'émission, là, ça me tente de casser un peu les mythes d'épouvantail qu'on fait lorsqu'on présente dans les grands médias Poutine ou bien les Chinois. Du côté de Poutine, lui, c'est assez terrible la couverture médiatique. Là, si, admettons, il inaugurait un orphelinat, je pense que nos journaux diraient que c'est parce que c'est un ogre qui veut manger des enfants, quelque chose comme ça. En fait, lui, il a exposé son point de vue. Et je crois que c'est utile que d'écouter ce qu'il a à dire. C'est aussi simple que ça. Lui, au Club international de discussion de Valdaï, ça c'était en octobre 2014, il n'y a pas tellement longtemps, lui, il a exposé sa vision du monde en toute franchise. Il voit les États-Unis comme une puissance, finalement, qui se comporte comme un nouveau riche, qui est un peu grossier, qui essaie de parler plus fort que les autres, qui se fâche lorsqu'on refuse ou qu'on essaie de modérer ses demandes, qui refuse le dialogue. Ça a été c'est patent avec l'Ukraine, la Russie, on l'excluait, on voulait pas discuter de l'Ukraine avec elle, alors qu'on peut pas régler le problème ukrainien sans parler avec la Russie. C'est totalement impossible. Et en fait, il résume ça en disant que la guerre froide s'est terminée il y a plusieurs décennies, mais elle ne s'est pas terminée par la signature d'un accord de paix. Un texte écrit où on écrit très clairement quelles seront les nouvelles règles du jeu. Alors, cette guerre froide-là s'est terminée sans qu'il y ait des règles claires. Alors, il semble que les États-Unis se passent fort bien de règles. Ils disent, c'est simple, faites ce que je veux. Ah oui, ça, c'est clair. C'est ça qui est assez inquiétant. Alors, Poutine, lui, il dit que... c'est très simple. Il dit, je veux un retour à des règles claires. Je veux un droit international qu'on peut tous comprendre. Sans deux poids, deux mesures. Chacun a une parole qui a la même valeur et on ne s'ingère pas dans les affaires intérieures des autres. Ça a un nom. C'est la souveraineté. Il en parle dans tous ses discours. Et c'est ça. Il faut bien comprendre que Poutine, finalement, est un enfant de cœur, si je puis dire, là, parce que j'écoutais Israël Shamir, qui est un spécialiste de la Russie, qui s'exprimait et qui disait que si on craint vraiment Poutine, c'est parce qu'on a rarement entendu les vrais nationalistes russes qui sont, disons, plus belliqueux. Je fais un euphémisme ici. On entend juste les Donald Trump, nous, parce que c'est nos voisins, mais il y en existe partout. Là, En Russie, on n'aimerait pas écarter Vladimir Poutine pour se retrouver avec ceux-là. Si je résume très simplement, ouais. C'est ça. En fait, M. Shamir lui disait que ceux qui auraient le plus de chances de passer, si on exclut Poutine, c'est le Parti communiste. Et personnellement, je suis pas sûr d'avoir le goût de les voir revenir à Moscou. On a vécu. We've been there, we've done that. C'est un peu ça. Et c'est ça, Poutine, lui, en fait, c'est un grand libéral. Lui, il a commencé en politique en étant le dauphin, le petit protégé du maire de Saint-Pétersbourg, une ville tournée vers l'Europe, pro-occidentale, capitaliste et finalement tout bien comme il faut. Alors, c'est finalement par, je dirais, un discours agressif des États-Unis qui à chaque année, il a dû être sur la défensive, finalement. Oui, c'est sûr. Comme... Ben, il a embrassé Marcel Aubut. C'est sûrement un bon bonhomme. Oui, c'est évident. Non, mais il était quand même directeur du KGB. C'est pas un si bel enfant de cœur, mais quand même, c'est intéressant. Merci, Étienne, de nous dire qu'il y a pire, quand même. Oui. Et ça tente-tu qu'on revienne juste un petit peu là, sur la constituante? Parce que, je sais, dans tes recherches, là, tu m'as envoyé une citation d'Étienne Chouard, qui, je pense, est un bon professeur dans le domaine. Exactement. Je vous invite à aller non seulement sur le site là, de l'Assemblée constituante qu'on a parlé tout à l'heure, mais de faire Google Étienne Chouard, constituante. Et vous savez, il y a une citation qui est surtout relayée par Étienne Chouard lui-même qui souhaite de nouvelles structures pour la démocratie, surtout le tirage au sort pour les charges et fonctions. Quelqu'un qui a été conscrit par une fonction a moins de chances d'être corrompu que celui qui se serait battu pour obtenir ce même poste. Alors, c'est ça qui est intéressant parce que là, aujourd'hui, on est dans notre démocratie parlementaire, mais surtout notre système actuel. Une monarchie constitutionnelle avec un mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour. C'est ça. On a quelqu'un qui veut être élu. S'il veut être élu, c'est que finalement, peut-être qu'il le désire tellement ardemment qu'il serait prêt à tout faire. Presque la corruption. On n'a même pas besoin de donner d'exemple. Je sens que les gens ont leurs preuves imaginaires sur qu'est-ce qu'un politicien peut faire. On parle pas juste du porte-à-porte, là, puis de mettre une pancarte en face de chez vous. C'est la corruption endémique. Si on a des gens qui veulent en être du pouvoir, qui veulent être dans les sphères du pouvoir et qui sont prêts à tous les détours et les méthodes sournoises pour y arriver, c'est sûr qu'on va arriver à une corruption. En fait, Étienne Chouard, lui, avec son idée de tirage au sort, parce qu'il parle encore et toujours de tirage au sort dans ses vidéos, ses textes, c'est pour tuer dans l'œuf toutes ces ambitions-là, ces égoïsmes-là de notre classe politique. Alors, le tirage au sort, c'est plutôt que dans la population, on prend au hasard quelqu'un et on lui dit « Tu devras tenir cette charge-là. » Tu es l'heureux élu. L'heureux élu. Le hasard t'a choisi et maintenant tu dois performer. Alors bon, ça peut être un peu angoissant pour la personne, mais finalement, toutes les charges sont menées par le sens du devoir, pas par l'ambition, pas par quelqu'un qui a joué des coudes pour se rendre là et qui a un placard qui déborde de squelette. Hein. C'est quelqu'un qui essaie de se montrer à la hauteur parce que le peuple dit il nous faut quelqu'un pour tenir telle fonction, pour obtenir le bien commun. Ce sera vous. Alors, je dirais que c'est une idée très intéressante. Là. Je connais pas à quel point elle est applicable dans les détails, là. Mais j'espère que c'est discuté dans n'importe quel échange au sujet de Constitution? Je sais que Daniel Turp, ancien député fédéral du Bloc québécois et député provincial du Parti québécois, avocat, professeur, constitutionnaliste, a beaucoup travaillé sur un modèle de constitution. Peut-être a-t-il commenté aussi la constituante. En tout cas, je sais que c'est quand même une bonne source. Puis ça s'adonne qu'il est très proche de Pierre-Carl Péladeau si éventuellement le Parti québécois revenait au pouvoir. Peut-être jouera-t-il un rôle important. Mais en gros, une constituante aurait déjà eu lieu au Québec, m'a-t-on dit. Tout aurait été réglé en bonne et due forme, puis le texte final aurait été proposé au gouvernement du Québec, et je soupçonne que Daniel Turp était sous ça avec Jean-François Lisée, puis ses grandes éminences grises souverainistes, péquistes, parce qu'il n'y a pas juste les péquistes. Moi, j'ai plus entendu parler Québec solidaire de constituante que tous les autres partis confondus. Là. Ouais, ouais, mais semble-t-il, je te cite encore dans tes recherches, histoire de t'ouvrir l'appétit pour en parler, c'est que une constituante aurait déjà eu lieu au Québec, tout aurait été réglé en bonne et due forme, puis le texte final aurait été proposé au gouvernement du Québec. Le premier ministre d'alors, Bernard Landry, serait venu voir les rédacteurs du texte pour leur dire un texte magnifique. J'essaie de prendre son accent de Joliette, mais ça marche pas. Je suis d'accord avec tout, mais c'est impossible à appliquer tant qu'on est une province plutôt qu'un pays. Il l'aurait immédiatement tabletté et plus personne n'en aurait parlé depuis. Oui, c'est ça. Moi, j'avais ce souvenir-là. Le problème avec, c'est que j'avais vu ça en j'avais entendu parler de cette histoire-là en conférence au Canal Savoir, mais le Canal Savoir n'archive pas leurs émissions, là, ce qui est assez dommage. Là. C'est que j'ai pas pu retrouver cette conférence-là d'où j'ai tiré cette citation-là, mais je crois que ça pointe sur quelque chose d'important. Là. Une constituante doit aussi être soutenue par une mouvance, par un rapport de force qui lui permet d'implémenter ses idées. Du moment que les idées sont couchées sur le papier, il faut être assez puissant pour dire non, les choses ne vont pas continuer sans qu'on tienne compte du texte qu'on a produit. C'est le nerf de la guerre, hein, le rapport de force. En politique, on s'en sort jamais, si je résume en une phrase. Merci Étienne Blondeau, et non pas Étienne Chouard. On remercie aussi Alain Bergeron d'être venu à l'émission. Alors allez les rejoindre si vous voulez parler de constituante. Il y a Alain Deneau là-bas, qui, comme on réalise, est un grand philosophe qui ne parle pas que de justice fiscale, mais aussi de justice démocratique. Et on remercie évidemment tous ceux qui ont contribué à l'émission. Ne manquez pas, la semaine prochaine, Le Grain de Sable va parler de sujets. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujet, communiquez avec nous par le biais de notre page Facebook ou allez sur le site d'Attaque Québec, allez voir notre onglet Grain de Sable et on est en pleine réunion ces temps-ci pour établir des sujets qui pourraient vous intéresser. Peut-être avons-nous soulevé des questions pour vous, mais sinon, entre-temps, n'hésitez pas à participer aux activités des Amis de la Terre. Je vois que quand même une projection de discussion qui s'en vient prochainement le 9 novembre, le sel de la Terre, très intéressant, l'histoire d'un photographe très très célèbre, on en reparlera, et une conférence de Stephen Sopkowiak, biologiste de formation et architecte paysagiste. Il enseigne la permaculture au Québec depuis 1995. Il fera une conférence le mercredi 4 novembre à 18h30. Permacultiver pour favoriser la biodiversité. Merci beaucoup d'avoir été au Grain de Sable et à la semaine prochaine. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet, ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux. Ouais, puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. My God, qu'on est rendu loin! Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui... CKRL 89.1.